Chapitre 334. La réprobation de discuter après la prière du Isha. Il s'agit des discussions permises en dehors de ce moment. Concernant des paroles interdites ou déconseillées à un autre moment, l'interdiction et la réprobation sont encore plus formelles après le Isha. Les paroles utiles, comme par exemple les enseignements religieux, les récits des hommes vertueux, des nobles caractères, les discussions avec les invités ou celui qui vient réclamer une chose, ne sont pas blâmables, tout comme les discussions qui ont lieu pour des raisons valables. Tous ces types de discussions sont plutôt recommandés, comme le prouvent clairement les traditions prophétiques authentiques. 1746. Selon Abu Barza, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, détestait dormir avant la prière du Isha et parler après celle-ci. Al-Bukhari et Muslim. 1747. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, relate que le prophète, alayhi salatu wassalam, dirigea une nuit vers la fin de sa vie la prière du Isha. Quand il eut terminé, il dit « Voyez-vous cette nuit, d'ici 100 ans, aucun de ceux qui sont aujourd'hui à la surface de la terre ne sera en vie. » Al-Bukhari et Muslim. 1748. D'après Anas, radiyallahu anhu, les compagnons attendirent une nuit le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne dirigea la prière du Isha que vers le milieu de la nuit. Il se retourna, sallallahu alayhi wasallam, ensuite vers eux et dit « Sachez que tous les gens sont allés dormir après avoir accompli leur salat, alors que vous n'avez cessé d'être en prière tant que c'est celle-ci qui vous a retenu. » Al-Bukhari